Ndikomanyanga. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Un homme d'une quarantaine d'années originaire de la colline Givororo en commune Gatara de la province Kayanza est en cavale après avoir tué ses deux enfants la nuit de ce mercredi à jeudi Vlontandré. Suspension provisoire du chef de colline Minago en province Rumongue. Il est accusé de s'être attribué deux maisons parmi celles destinées aux victimes des inondations causées par les eaux du lac Tanganyika. Et le 11 mai de chaque année, le monde commémore l'anniversaire de la mort de Bob Marley, le roi du reggae, le style qui continue à influencer d'autres artistes du monde, en général et ceux du Burundi en particulier. Patrick Izonderera assure la mise en onde. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un homme d'une quarantaine d'années originaire de la colline Gihororo en commune Gatara de la province Kayanza a tué ses deux enfants la nuit de ce mercredi à jeudi. Des informations en provenance de Gihororo disent que des conflits conjugaux sont à la base de ce meurtre. Des informations confirmées par l'administration et la police à Gatara indiquent que l'accusé a pris le large. Les détails avec Patrick Sengiomfa. Des informations recueillies à la sous-colline Nyabubuye, colline Gihororo en commune Gatara où ce meurtre a eu lieu, disent que l'auteur de cette tuerie a au total 7 enfants avec l'âge de 48 ans. D'après les mêmes informations, Fidèle Uchumi alias Ninja a passé toute la journée d'hier en se saoulant et arrivé à la maison, il menaçait sa femme de la tuer, l'accusant d'entretenir des relations amoureuses avec d'autres hommes. Les voisins de son couple affirmaient que ses conjoints vivaient dans de perpétuels conflits conjugaux. Selon la même source, le soir quand la femme de Fidèle était beaucoup menacée par son mari qu'il va la tué, s'est enfoui. Quand l'auteur de cette tuerie a manqué sa femme pour la tuer, précise leurs voisins, il a sélectionné deux enfants, un garçon et une fille parmi leurs enfants et les ont horriblement massacrés prétextant qu'il serait né d'un autre homme. Des informations confirmées par l'administration communale Gatara et la police en cette même colline. Le commissaire de police à Gatara indique que l'auteur de son massacre de la nuit d'hier a pris fuite après l'acte mais qu'il reste recherché afin d'être traduit dans la justice. Depuis Kayanza, Patrick Essengi va pour la radio Isangani. Merci à Patrick Sengiumba pour tous ces détails. Je vous le dis en titre, le chef collinaire de Minago, en commune province Rumongue, a été provisoirement suspendu de ses fonctions depuis le début de cette semaine en cours. Pascal Nakirutimana est accusé de s'être attribué deux maisons parmi celles destinées aux victimes de la dernière montée des eaux du lac Tanganyika, se servant dans cette fraude de deux noms de personnes non nécessiteuses, selon des informations obtenues de certains des habitants de la colline Minago, confirmées par l'administrateur communal de Rumongue. Une information que nous devons à notre correspondant sur place, Jean-Pierre Misago. Une courte pause. Isanganiro, la radio. Page environnement. À présent, certains députés demandent au gouvernement d'aménager des espaces pour caser la population de Gatumba, victime des inondations. Sur ces inquiétudes, Gélas Ndavirabe, président de l'Assemblée nationale, trouve que les météorologues doivent tenir compte de ces inondations répétitives afin d'inspirer les décideurs pour prévenir des incidents. C'était ce mercredi au cours d'une plénière concernant l'analyse du projet de loi portant la ratification du protocole de la communauté est-africaine sur la coopération en services météorologiques. Les détails avec Lydie Gahimbati. Tenant compte des inondations répétitives qui s'observent à Gatumba, les pertes matérielles enregistrées, Abed Gachati, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, demande au gouvernement burundais de faire une analyse de terrain s'il trouve que c'est un espace invivable, d'aménager d'autres milieux pour caser la population de Gatumba, victime de ces inondations. Ezekiel Nibigila, ministre en charge des affaires de la communauté africaine, qui était l'invité à l'Assemblée nationale, nationale ce mercredi lors de la plénière concernant l'analyse du projet de loi portant sur ratification du protocole de la communauté africaine sur la coopération en services météorologiques, a indiqué que le problème des inondations de Gatumba exige des travaux consistants pour rendre la localité vivable. Et selon Gelase Ndavidabe, président de l'Assemblée nationale, les météorologistes doivent tenir compte de ces inondations répétitives pour inspirer tous les décideurs afin de prévenir les dégâts liés aux catastrophes naturelles. Concernant les inondations de Gatumba, le gouvernement du Burundi envisage la construction d'une digue pour soutenir les rives de la rivière Rusizi qui cause des dégâts. Merci à Ridi Gahimbare pour tous ces détails. Les usagers de la 15e avenue du quartier Mirango 2 en zone urbaine de Kamenge se réjouissent des travaux de réhabilitation de cette avenue qui était devenue impraticable. Certains conducteurs exerçant le métier de transport dans cette zone demandent au gouvernement de réhabiliter d'autres avenues se trouvant dans la zone Kamenge. Des détails dans ce reportage de Jean-Marie Vianney Ngindakouman. Certains habitants de la 15e avenue du quartier Mirango 2 dans la zone Eliben Kamenge, au nord de la ville de Bujumbura, apprécient positivement les travaux de réhabiliter cette avenue du fait qu'il y avait beaucoup de nids de poules, ce qui ne facilitait pas le transport, comme l'indique l'un des taxis motos rencontrés dans cet endroit. Si cette route ne serait pas réparée, ça serait autre chose. Il y avait beaucoup de nids de poules et certains clients refusaient que nous traversions cette route. Nous traversions le pavé de la 14e avenue pour retrouver cette route. Mais maintenant, nous sommes satisfaits avec nos clients. Quant aux commerçants de boutiques de cette avenue, témoignent qu'actuellement, elle reçoit beaucoup de clients, ce qui était le contraire lorsque cette avenue était impraticable. Les usagers de cette 15e avenue du quartier Mirango 2 de la zone Eliben Kamenge demandent au gouvernement de réhabiliter d'autres avenues qui sont en mauvais état. Nous demandons la réhabilitation d'autres routes qui traversent dans le quartier Charama parce que la route qui traverse Charama vers le centre de négoce est endommagée. Nous demandons à l'État de réhabiliter les routes se trouvant dans les quartiers et nous serions satisfaits de plus. Ces habitants demandent également que les caniveaux se trouvant dans cette avenue menacée d'écoulement soient réhabilités dans le but d'éviter les inondations dans la saison pluvieuse. Vous ratez l'essentiel. Page agriculture à présent. Chaque ménage doit cultiver un champ de montagne de 20 mètres sur 10 de superficie pendant la saison sèche qui s'annonce et le prix d'un kilo de semences de maïs de type PAN 53 est désormais fixé à 4500 francs contre 8500 francs d'avant. Propos tenus ce jeudi par le Premier ministre à Gitega, c'était dans une réunion à l'intention de tous les responsables agro-pastoraux provinciaux et communaux et de tous les administrateurs communaux, n'est-ce pas, Gélane Vikit? Pour pérenniser le combat contre la faim, le Premier ministre Gervé Ndirakobucha a indiqué que chaque ménage doit cultiver un champ de 200 mètres carrés pendant la saison sèche qui s'annonce. Chaque ménage doit cultiver pendant cette saison sèche un champ d'une superficie de 20 mètres sur 10 mètres sur une terre de montagne et non de marais, là où il faudra puiser de l'eau de rivière pour arroser le champ. Ce n'est pas une sensibilisation, c'est un ordre que nous donnons. Dès demain, chaque agronome informera les familles que chaque ménage doit préparer un champ de 20 mètres sur 10 mètres de superficie à cultiver pendant cette saison sèche. Il sera puisé soit 3 bidons, soit 4 bidons le matin et 4 bidons le soir. Ils ont des enfants pour le faire. Nous ne pouvons pas échouer à cela parce que nous sommes en collaboration avec l'administration et la police. C'est quoi qui peut alors nous conduire à l'échec? Il a en outre déclaré qu'un kilo de semences de maïs de type PAN 53 qui coûtait 8500 francs va désormais coûter 4500 francs le kilo. Il a été évoqué une question relative à deux commandes de semences de maïs de type PAN 53. Une commande faite par l'État et une autre subventionnée. Selon les chiffres dont je dispose, même s'ils peuvent être incomplets, il ne reste que 38 tonnes de semences de maïs de type PAN 53 qui coûtent 8 500 francs le kilo. Et les semences de maïs de type PAN 53 fournies par BAD restants s'estiment à 533 tonnes. Comme c'est l'État responsable et pour éviter le deux poids deux mesures, toutes les semences de maïs de type PAN 53 situées dans des dépôts de BPAE seront désormais vendues à 4 500 francs le kilo. Le Premier ministre a demandé aux agriculteurs de ne pas acheminer au marché leur prochaine récolte. Depuis Gitega, Jean Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira de Gitega, rendons-nous à Tchankouzo, où le manque de semences sélectionnées et des produits phytosanitaires, tel est le problème rencontré par les riziculteurs du marais de Rugasadi et en commune Tchankouzo. Ce défi a été évoqué ce mercredi sur la colline Nyakerera devant les délégués du ministère en charge de l'agriculture venus expliquer aux agriculteurs de Tchankouzo que d'ores et déjà des cliniques pour les plantes sont fonctionnelles dans toutes les communes de Tchankouzo. Ici, les riziculteurs leur ont demandé de subventionner la vente de ces médicaments des plantes pour qu'ils soient disponibles même aux paysans à faible revenu. Les détails avec Raymond Moudent. La subvention de la vente des produits phytosanitaires pour le riz cultivé dans les marais de Rugasali sous colline Mutukura serait l'un des moyens d'augmenter le rendement du riz. C'est du moins le constat d'Aman Afayer, un des riziculteurs de Mutukura. Ce cultivateur de riz dit que certains riziculteurs ignorent encore les médicaments pour les plantes en général et ceux du riz en particulier et sont confrontés également au manque de semences sélectionnées. Ce mercredi, les délégués du ministère en charge de l'agriculture s'étaient rendus à Mutukula où plus de 380 hectares de riz sont cultivés pour expliquer aux agriculteurs que, désormais, les cliniques pour les plantes sont maintenant fonctionnelles dans toutes les communes de la province de Tchankouzo. Mais ici, ces exploitants agricoles voient plutôt que l'urgence et la disponibilité de ces produits phytosanitaires pour le riz et de diminuer les coûts pour qu'ils soient disponibles même pour le paysan à faible revenu. Et d'après Elvis Ndezako, responsable de l'aménagement moderne des marais à Tchankouzo, les agriculteurs devraient se mettre ensemble dans les coopératives pour faire face au prix exorbitant des médicaments pour le riz. Et d'une manière générale, les agriculteurs de Tchankouzo ont salué la mise en place de ces cliniques pour les plantes. Depuis Tchankouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. De Tchankouzo, Cap sur Rumonge, où le chef culinaire de Minago en commune et province Rumonge a été provisoirement suspendu de ses fonctions depuis le début de cette semaine en cours. Pascal Nakirutimana est accusé de s'être attribué de maisons parmi celles destinées aux victimes de la dernière montée des eaux du lac Tanganyika, se servant dans cette fraude de deux noms de personnes non nécessiteuses, selon des informations obtenues de certains des habitants de la colline Minago, confirmées par l'administrateur communal de Rumonge, était avec Jean-Pierre Messaco. Deux maisons parmi celles construites par le COPED sur la colline Minago pour abriter les victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika sur cette colline. Lesquelles maisons ont été attribuées à deux personnes de Minago, ne figurant pas sur la liste de ceux dont les maisons ont été démolies lors de cette montée des eaux du lac Tanganyika, sont à l'origine de la suspension provisoire du chef culinaire de Minago depuis ce 8 mai courant, selon des informations obtenu de certains des habitants de la colline Minago, confirmé par l'administrateur communal de Rumonge, qui a pris cette décision. Selon ses sources, Pascal Nakirutimana, jusqu'alors chef culinaire de Minago, aurait scellé des conventions clandestines avec ces deux personnes afin qu'elles se passent pour des victimes de la récente montée des eaux du lac Tanganyika et que leur maison soit érigée dans deux parcelles en réalité appartenant à Pascal Ntakirutimana. Certains habitants de cette colline oseront le dénoncer avant la prise de cette décision par l'administrateur communal de Rumonge, après avoir consulté le rapport d'une commission d'enquête désignée à cet effet selon ses sources. Cette colline est provisoirement dirigée par Espérance Ndiwenumujango, jusque-là adjointe du chef collinaire, selon des sources sur place à Minago. En septembre 2021, certaines de ces victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika sur la colline Minago avaient dénoncé une contribution forcée de 15 000 francs burundais par personne sur une aide du Programme alimentaire mondial par son chef collinaire, soi-disant pour la construction du bureau collinaire, de l'argent que l'administrateur communal de l'époque a exigé le remboursement sans aucune autre forme de procès avant de revenir sur sa décision. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Je vous le disais en titre, le 11 mai de chaque année, le monde commémore l'anniversaire de la mort du roi du reggae, Nesta Bob Marley. 42 ans après sa mort, l'artiste Bob Marley continue à influencer d'autres artistes du monde en général et du Burundi en particulier. Une musique de style reggae avec des messages basés sur l'amour du prochain, la lutte contre l'oppression, la valorisation de la femme, mais pour ne citer que cela. Pour plus de détails, Christian Sapsi. Rastaman Vibration. Le roi du reggae, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est resté vivant à travers sa musique. Chaque année, des millions d'amoureux du style reggae et de la musique en général se rassemblent en interprétant ces morceaux qui véhiculent des messages basés sur l'amour du prochain, l'unité, la réconciliation, la lutte contre l'oppression et l'exploitation. Burundi, les jeunes en général, les artistes et musiciens en particulier, interprètent la musique de Bob Marley dans des concerts live. Vishou du groupe Peace and Love est parmi eux. Il nous parle de l'utilité du message de Bob Marley aux Burundais en général et aux artistes et musiciens en particulier. Un bon artiste doit laisser de traces. Le message de Bob Marley est très utile d'abord à nous les artistes burundais car ça constitue une source d'inspiration pour nos compositions. Bob Marley a même parvenu à réconcilier deux opposants politiques dans son pays. Son message était basé sur l'amour, la paix et la réconciliation. Il a même chanté à travers ses deux chansons comme Africa United et One Love. One Love. Vous saurez que ce 11 mai, une multitude de spectacles est organisée, surtout à Bujumbura et dans la ville de Gitega. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci à Patrick. Ils ont délai là pour la mise en onde. Merci à vous tous. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Les autres émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro. Isanganiro.